Il y a longtemps que je n'ai parlé de ma pauvre maman. Mais si l'on croit que je l'oubliais aussi, l'on se trompe fort. Je ne cessais de penser à elle et de désirer de la retrouver, non seulement pour le besoin de ma subsistance, mais bien plus pour le besoin de mon cœur. Mon attachement pour elle, quelque vif, quelque tendre qu'il fût, ne m'empêchait pas d'en aimer d'autres. Mais ce n'était pas de la même façon. Toutes devaient également ma tendresse à leur charme, mais elles tenaient uniquement à ceux des autres et ne leur eût pas survécu. Au lieu que maman pouvait devenir vieille et laide sans que je l'aimasse moins tendrement. Mon cœur avait pleinement transmis à sa personne l'hommage qu'il fit d'abord à sa beauté. Et quelque changement qu'elle éprouva, pourvu que ce fût toujours elle, mes sentiments ne pouvaient changer. Je sais bien que je lui devais de la reconnaissance, mais en vérité, je n'y songeais pas. Quoi qu'elle eût fait ou n'eût pas fait pour moi, c'était toujours la même chose. Je ne l'aimais ni par devoir, ni par intérêt, ni par convenance. Je l'aimais parce que j'étais né pour l'aimer. Quand je devenais amoureux de quelque autre, cela faisait distraction, je l'avoue, et je pensais moins souvent à elle. Mais j'y pensais avec le même plaisir, et jamais, amoureux ou non, je ne me suis occupé d'elle sans sentir qu'il ne pouvait y avoir pour moi de vrai bonheur dans la vie tant que j'en serais séparé. N'ayant point de ces nouvelles depuis si longtemps, je ne crus jamais que je l'eusse tout à fait perdue, ni qu'elle eût pu m'oublier. Je me disais, elle saura, tôt ou tard, que je suis errant et me donnera quelques signes de vie. Je la retrouverai, j'en suis certain. En attendant, c'était une douceur pour moi d'habiter son pays, de passer dans les rues où elle avait passé, devant les maisons où elle avait demeuré, et le tout, par conjecture, car une de mes ineptes bizarreries était de n'oser m'informer d'elle, ni prononcer son nom, sans la plus absolue nécessité. Il me semblait qu'en la nommant, je disais tout ce que m'inspirait, que ma bouche révélait le secret de mon cœur, que je la compromettais, en quelque sorte. Je crois même qu'il se mêlait à cela quelque frayeur qu'on ne me dit du mal d'elle. On avait beaucoup parlé de sa démarche, et un peu de sa conduite, de peur qu'on n'en dit pas ce que je voulais entendre, j'aimais mieux qu'on n'en parlât point du tout.